Hi, this is Jean Manson. C'est Jean Manson. Ici sur la radio RLM que j'aime. Et j'espère vous voir tous parce que je vous aime beaucoup. RLM, c'est toujours aussi bon. Et oui, vous l'attendiez, nous sommes mardi, il est 20h, c'est votre émission préférée, 120 au compteur, avec une équipe au complet ce soir, avec Marine. Oui, bonsoir. Bonsoir Marine, comment ça va bien? Ça va et toi? Alors toi, tu vas nous parler d'un événement, parce que tu n'as pas eu l'occasion d'en parler la semaine dernière. Oui. Puisque tu as eu l'occasion donc de participer au concert, enfin participer, d'aller voir le concert de The Cure, rien que ouais, ça. Pour la première temps. Ouais. Et tu vas nous parler de ça, et évidemment tu nous parleras aussi d'actualité, notamment par rapport à la fête nationale en Belgique, et puis un peu plus tard aussi de la fête de la Sainte-Anne de Périgueux. Ouais, c'est ça. Nous sommes également avec Onissa. Allô, j'espère que vous allez bien. Ben oui, on espère que tu vas bien aussi. Oui, ça va mieux. Tu as le sourire, c'est bien, ça fait plaisir, on est contente de te voir. Tu vas nous parler d'un dessin animé ce soir. Ah oui. Ouais, des années 80 aussi. Un peu plus tôt même. Un peu plus tôt, ouais. D'accord. Eh ben écoute, on garde le suspense, mais tu nous en parleras dans le courant de l'émission. Nous sommes avec le cadet de l'émission. L'espace. Le cadet de nos soucis. Avec le cadet de nos soucis. Bonsoir plutôt, la Belgique, ouais. Bonsoir l'Europe, bonsoir le monde et bonsoir les champions du monde. Ah ouais. Bah, tu vas nous faire une rétrospective de la Coupe du Monde. Oh bah je suis pas très foutu. Ah bah si tu veux, ouais. On va parler de 98, au temps où j'avais 30 ans. Voilà, donc vous avez reconnu sa voix. Canon est avec nous aussi ce soir et très ça fait bien d'y plaisir. Ça nous fait aussi plaisir, il est là tout le temps, lui. Hein. C'est un inséparable. C'est Sherlock. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et comment est-ce que ça va bien? Bah, ça va bien. Bien, parce que tu vas nous parler évidemment donc d'un film de 1900. 93, 94, je ne sais plus exactement. Il a collé un peu près, je crois. 94. Donc, ce sera pour le rétro-ciné, évidemment. Oui, pour le rétro-ciné. Après, il y aura évidemment donc la chronique ciné. Oui. Effectivement, je vais essayer de vous faire aller au cinéma. Voilà. Comme il fait chaud et que les cinémas c'est climatisé. C'est vrai. Et tiens, ça peut être un élément parce que les gens vont peut-être pas y aller pour les films, mais peut-être parce que c'est climatisé. Bah, en une fait. Fois, j'ai fait une infidélité récemment à la Belgique, j'étais à l'UGC. Et c'est vrai que quand tu sors en crevé de chaud, en fait, c'était très. Et quand t'es dans la. Oh, qu'est-ce que t'es bien dans la salle en non, fait, le film, tu t'en fous. Je me mettais pas. Ouais. T'es en train de bouffer des pop-corn et du Coca-Cola avec des trucs dans une salle climatisée. T'as pas besoin de film. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, bah, moi, j'aurais quelques petites. Les chroniques quand même. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. On va t'accueillir quand même. Ah, merci. Bah, bonsoir, Vanessa. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Puis bah, moi, j'aurais quelques petites chroniques inattendues. Et puis un petit coup de gueule, tiens, justement aussi. D'accord. Ça sera dans le courant de l'émission. On rappelle évidemment qu'il y a notre page Facebook, hein, 120 au compteur. Donc pour nous laisser un petit com, où il y a le numéro de téléphone, on peut nous appeler pendant la pause musicale. Bien sûr, au 056 34 11 81 ou au 00 32 56 34 11 81 si vous appelez depuis la France. Et si vous voulez nous appeler, bah, c'est pendant cette coupure musicale. Voilà, un petit mot quand même à nos auditeurs, on avait promis, on parlera aussi de l'interview de Jane Manson. Ah, bien sûr. Qui attend et tout ça avec les petits tips qu'on a eu derrière. Absolument, évidemment. Allez. Sur la fréquence, premier sur les hits, RLM tous les jours, le meilleur des années 80 à nos jours. RLM 107.9 FM. Dans l'émission 120 au compteur, évidemment. Alors ça fait rire Canon hein, quand ma langue elle fourche. Oui, parce que t'as mal, ouais, c'est ça, ouais, absolument. Donc j'espère que vous allez bien. Eh bien, effectivement, ce week-end, c'était un week-end quand même assez chargé. Alors samedi, c'était le 14 juillet, évidemment. Donc il s'est passé pas mal d'événements, pas mal de petits podiums un peu partout dans toutes les villes. Et on a eu l'occasion donc d'assister au concert de Waterloo, où il y a eu quelques premières parties. On va passer très vite dessus puisqu'il y avait donc le sosie de Kenji Girac. Oui. Alors je sais pas ce que vous en avez pensé, mais pour moi on doit vraiment le dire ou pas. Sur une échelle de 0 à 10, je lui donnerais 2. Hein, c'est à peu près ça, ouais. Parce qu'il était présent, hein, tout simplement. Bah, c'est ça. Il connaissait les paroles par cœur quand même. Ouais, ouais. Donc il faisait un très bon playback. Alors, playback sur sa voix en plus. C'était pas la voix de Kenji Girac. Guitare électroacoustique pas branchée, donc ça fait un peu bizarre. C'était la voix de Kenji Girac. Il joue pas de la guitare. Il faisait semblant de jouer de la guitare. Voilà, c'est ça. Absolument. Après, alors là, j'étais étonné quand même. C'est Claude François, le sosie de Claude François. J'ai souri au début quand j'ai vu les balances, et quand on le voit arriver sur scène, évidemment, il le fait extrêmement bien. Et pour les fans de Claude François, je pense qu'ils ont passé un très très bon moment. Ouais. Il y a les sosies des sosies, lui c'est un, tu vois ce que je veux dire, lui c'est un sosie hyper crédible. Ah bah de toute façon il était maquillé, ça vraiment. Ça bien, pour moi maquillé. C'était un peu le transformiste quelque part, parce qu'il se transformait en Claude François et vraiment, et la voix y était. Le spectacle au show y était aussi. Ouais. Pour moi j'ai trouvé que c'était un artiste plus complet, non? Oui, absolument. Ensuite est arrivé sur scène notre amie Sabine, qui est pas passée longtemps quand même, donc un petit quart d'heure je crois, pour chanter quelques titres, quelques reprises, et évidemment Petit Bouchon et des bêtises. Donc voilà. Et ensuite est arrivé Jim Manson. Et oui, alors Jim Manson qui nous a fait un tour de chant d'une quarantaine de minutes à peu près, avec ses succès. faisant l'amour avant de nous dire adieu, évidemment. Une femme aussi. Comment ? C'est une femme aussi, la première. J'étais surpris, la première chanson, elle a dit, c'est ce qui a lancé ma carrière. La toute première ? Je croyais que c'était c'est une femme. Kissas. Et c'est, elle a commencé par Kissas. Elle a commencé par Kissas, mais après elle a chanté une femme en disant c'est en fait celle qui a fait ma carrière. Et moi je suis tombé sur le derrière parce que on la connaît, mais c'est pas vraiment celle qu'on connaît le plus. Enfin, on la connaît. Non, mais, elle est sortie en 78. Par contre, faisons l'amour avant de nous dire adieu, la chapelle de Harlem, etc. etc. Ah ouais, je veux dire, c'est des chansons cultes, cultissimes. Et pour fêter l'événement, évidemment, donc on a fait une interview pour RLM qu'on retransmettra alors dans les semaines à venir, peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après. Mais en attendant, Canon nous a fait une super vidéo, vous pouvez voir donc sur notre page Facebook. Vidéo qu'on va vous diffuser tout de suite. Non. Regardez bien. Franchement, les auditeurs, ils ont pas. On va expliquer aux auditeurs parce que je me dis, il a pas reçu le message, c'est comme quoi la vidéo est en ligne. Non, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus long. On n'a pas coupé. C'est-à-dire, c'est vraiment une artiste qui est complète. On n'a pas dû couper au montage, etc. et faire plein de trucs, mais la vidéo est un peu arrangée pour que ça soit plus fluide et que vous regardiez pas pendant une heure, mais on a tout l'audio. Oui, absolument. Et puis on vous passera des extraits évidemment suite à l'interview qu'on a faite donc ce week-end. Il y a eu d'autres podiums évidemment, alors si vous voulez nous en parler, surtout n'hésitez pas via notre page Facebook en disant tiens, j'ai été voir par exemple le roi à l'hippodrome de Marc Cambareul. Il y avait Julie Zenati et Chimène Badi qui étaient à LM. Absolument. Il y avait Texas, elle était à Valenciennes. Texas était à Valenciennes aussi, effectivement. Donc si vous avez envie de nous en parler, n'hésitez pas à nous balancer un petit message, un petit com sur notre page Facebook ou nous appeler directement. Il y avait Martin Solveig à Béthune. Ah ouais. Et il y avait aussi Arnaud Tirard. Oui, c'est vrai. À Béthune. Et peut-être qu'il va nous appeler pour nous dire comment c'était. ce serait pas mal. D'ailleurs, on le salue au passage, Arnaud. Il a un peu peur des micros, c'est pas un mec. Non, certainement pas, puisque Arnaud, évidemment, on le retrouve tous les matins, donc de 7h à 10h dans les matinales sur RLM. Vous connaissez sa voix, évidemment. Eh bien, on va continuer en musique. Oui, bien sûr. Combien de temps, je ne sais pas, mais au moins avec Stéphane Echer. Allez, c'est pas mal. Ouais. C'est vrai qu'il a augmenté. Invisible, l'ombre de mes cris comme une cible. dernière sur la fréquence, premier sur les hits, RLM, 107.9 FM. Et on est toujours dans 120 au compteur. Au compteur, pardon. Pour parler du 21 juillet à Moucron. Oui. Oui. Arrête, ça se ressemble. Il y aura Star des 60s à nos jours. Donc à partir de 16h, il y aura des animations au parc de Moucron. Ouais, il y aura quoi? Des animations, je vais te le dire. Bah oui, c'est ça. Il y aura des merguez, des frites, de la bière. Voilà, de la bière. Et dès 18h, il y aura Jean Manson. Ouais. Déjà à 18h, oui. Elle va arriver. Ouais. Elle va en faire plus tard, mais... Oui, en général, il lui donne un horaire de départ, oui, mais il y a les premières parties. Et donc, les premières parties, Marine. Ouais, il y aura Aldo Cogoni, je pense que ça se dit comme non, ça. Non, c'est Cogoni. C'est les frères Cogoni, ouais, des Sunlights. Voilà. Ouais. Christian Delagrange, Alain Delorme et Jean Manson. Donc Alain Delorme du Crazy Horse, oui, oui, pour les gens des années 60 qui connaissent. Et puis Christian Delagrange qui a d'ailleurs fait un très très beau duo avec Jean Manson. Oui. Et il serait pas étonnant d'ailleurs que peut-être qu'il refasse le duo sur scène le 21 juillet. S'il est là, qu'il le fasse. Bah oui, et puis ils se connaissent très très bien. Donc je pense que ça, c'est peut-être pendant son show où elle va peut-être intervenir. Elle est là à partir, tu vois, si elle est là avant. Elle risque certainement de chanter un duo avec lui pour dire après et retrouver Jean à partir de 19h sur. Ouais, voilà, voilà. Bien. Ouais, certainement. Et donc tu vas nous parler aussi. Alors il y a le Christophe Williams. Ouais, qui passe du dimanche du coup le 29 juillet. Ouais. Pardon. Lui par contre il sera sur scène de. Sur scène à 22h30. Et donc à partir de 18h, il y aura Pauline Ducolombier qui sera là, City of Light qui vont reprendre des titres de Simple Alors, Pauline Minds. Pauline Ducolombier, ça c'est un nom de scène, dis donc. Elle est à The Voice. Ah ouais, ouais. Belgique. Ouais. D'accord. Ouais. Et il y aura aussi Mister Cover. Mister Cover. Sincèrement. Si vous n'aimez pas Christophe Williams, c'est possible. Hein, Oui, c'est pour ça que c'est surprenant. Moi, allez c'est voir Mister Cover. C'est une tête d'affiche quand même. Bah, Mister Cover Mister aussi. Cover. Hein. Oui, je connais aussi. Mais... Ils font des scènes terribles. Ah, si, mais ils font un show. Pas possible, moins, c'est moins. Je connais. Et d'ailleurs, c'est des habitués de la fête de la Sainte-Anne. C'est pas la première fois qu'ils y vont. Je pense que ça fait au moins la deuxième ou la troisième fois. Ils sont réclamés parce que, effectivement, c'est un vrai band. Oui, non, non. C'est du live. Ah, moi, je les ai vus l'année passée au 15 août. Et alors, tu en as pensé quoi? Ah, mais ils ont mis une ambiance, mais du tonnerre. Ah, terrible. Ah, ouais. Et alors, et à la fin, ils participent avec tout le monde. Hein. Ah, ouais, absolument. Ah, mais c'est un truc hallucinant. Et donc, évidemment, la guitare, c'est Christophe Willem. Alors, vous aimez pas Christophe Willem? Oui, moi j'aime beaucoup. Mais pour l'artiste qu'il est, hein, pas forcément les chants. Mais si, c'est pas que sa voix, c'est il a un univers, il est venu quand même de rien. Puis voilà, il est humble en même temps, il sait d'où il vient, moi je trouve que c'est... Puis l'envoie de sa coquille, puisqu'on l'appelle la tortue. Ouais, alors justement, moi je l'ai connu avant La Nouvelle Star, parce qu'il a été connu en gros du grand public avec ça, mais il avait fait un film avant. Ah ouais, il avait joué dans le film Alive, avec Maxime Nucci. Ah ouais, j'adore ce qui est, enfin Yodelis. Alors je pense que c'est Richard Anconina qui joue dedans. Une fois j'ai vu. Je vais compléter ton anecdote. J'ai eu l'occasion d'être mis en scène par l'un des acteurs donc de Alive, qui est Laurent Bann. Oui. Voilà Laurent Bann qui avait à l'époque qui jouait mis un en peu scène RZVET. J'ai jamais vu le film. Alors, je sais que Laurent a joué dedans, donc. En gros, dans le film, il se fait un petit peu recaler de la troupe, parce qu'il monte une comédie musicale. Mm-hmm. Lui, il se fait un petit peu recaler de cet œil, il arrive un peu dans le camp des méchants, quoi. Ça me donne une idée, parce que Laurent Bann, actuellement, que je connais personnellement, tourne avec. Enfin, il tourne pas, mais pour l'instant, ils sont sur Paris, avec Priscilla Folle du Désert. Et je sais pas si vous en avez entendu parler, une comédie musicale. Ah, bah, si, quand même, Priscilla Folle du Désert. Moi, j'ai connu le film. Il y a une comédie musicale, oui, je pense que c'est au Folie Bergère actuellement à Paris. Ah, oui, et ça va tourner après dans toute la France. Et là, ce serait peut-être bien d'avoir une petite interview avec Laurent Bann, sincèrement. Ouais, c'est vrai. Et bah, écoute, merci Marine pour ces idées sorties, ces idées concerts. Donc c'est qui Laurent Bann, Marine? La tâte interviewera son frère en mettant tes lunettes. Alors, c'est Rélan. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la comédie musicale, je sais pas, on va dire Zorro? Non. C'est lui qui faisait Zorro. Ça s'est joué que sur Paris. Ça s'est joué que sur Paris. D'ailleurs, avec un présentateur connu, je sais plus comment il s'appelle, mais aussi. Il a remplacé aussi également dans Notre-Dame de Paris, il a remplacé Bruno Pelletier. Ok. Voilà, donc si Laurent Bann est quand même une tête. C'est parce que son nom on le connaît un peu moins, mais si vous le voyez, il a fait pas mal de doublures, voilà, on va dire. Il chante ? Il chante, ah ouais, il chante merveilleusement bien. Hein. Ah oui, là, ça m'intéresse. C'est aussi un performeur, c'est-à-dire qu'il chante, il danse, il fait des trucs. Il est pluridisciplinaire. Le temps des cathédrales, t'as intérêt à avoir la voix et la note derrière. Ah ouais, absolument. Mais il y a Damien Sarg aussi qui avait remplacé Bruno Pelletier. Absolument. Et faut savoir aussi, c'est que parfois il y a des doubleurs qui sont meilleurs que les rôles principaux. Donc il y en a qui se sont fait connaître en étant doubleur. Vincent Niclot faisait la doublure de Damien Sarg dans Roméo et Juliette, par exemple. Donc on entend quand même plus Niclot que. Nivis. De Patex. On se retrouve après une petite coupure musicale. C'est le son belge de Marc Morgan avec Au train où vont les choses. Et on reviendra, après avec les Backstreet Boys. Vas-y. On est tous sur le même bateau, mais au train où vont les choses? Notre avion perd de l'altitude et nos fusées de détresse tombent comme des étoiles, comme des lustres de cristal. Oh, je ne suis pas pressé d'arriver à la fin du voyage, non, pas pressé. Nous ne sommes déjà plus de ce monde, nous sommes du prochain. Dans notre bolide sans frein, je me souviens des heures passées à parler de tout et de rien. Que vous aimez, c'est sur RLM. Et oui, c'est toujours aussi bon, et c'est qu'à de le dire, puisqu'en fait, on est gâtés dans les studios. Il y a Véro, qui est une de nos auditrices, qui nous apporte des gâteaux. Et ça fait vraiment plaisir. Alors, elle les fait elle-même. On va l'appeler Mamie Brossard. Non, mais c'est vrai, il ressemble à des... on va l'appeler ça des marbrés. Des marbrés de Papy Brossard. Voilà. Et eh ben, ils ont l'air super bons. Pour l'instant, j'ai pas encore goûté. On va pas mettre dans la canonne. Oui, alors, ils sont bons. Bah, tu sentiras pas le goût, mais continue à parler. Voilà. Eh ben, écoute, en tout cas, on remercie Véro. Ça nous fait bien plaisir. Je crois qu'il arrivera un moment et on sera obligé de faire comme j'aime. Ouais. Si ça continue. Ouais, c'est pas avec nous que tu vas réussir. Oui, mais tu peux parler au micro aussi, Marine. Non, je dis c'est pas avec nous que tu vas réussir. Eh ben non, bah, c'est clair. Et ben justement, Marine, tu as le micro, tu vas le garder. Ah. Tu nous parlais de musique et tu vas rester dans l'univers musical. Puisque, quand même, donc pas le week-end dernier, mais le week-end d'avant, tu as quand même vécu une expérience assez sympa. Ouais. Allez, raconte. J'allais voir The Cure à Londres pour leurs 40 ans. Wow. Au British Summertime. 40 ans de carrière, attention. Ouais. Je veux dire, alors, c'était tous leur anniversaire. Raconte un peu, alors raconte-nous un peu, parce que c'était sur Hyde Park à Londres. Ouais, c'est ça. Donc c'était bien. Il y avait plusieurs groupes, il y avait 12 groupes, je ne les ai pas tous retenus, mais il y avait Goldfrapp, Editors, Interpol. Ouais, alors à chaque fois tu nous parles d'Interpol comme si c'était connu. C'est connu Interpol ? Bah, apparemment, en tout cas, apparemment, mais. Ouais, c'est assez connu, ouais. Et du coup, ouais, bah, il y avait Interpol juste avant The Cure, et puis The Cure qui sont arrivés à 20h, 20h30. Ouais. Bah, ils ont joué 2h30 de chansons avec les connus, bien entendu. Ouais, alors j'ai vu un article effectivement où il parlait du fait que Robert Smith était un peu gêné par le soleil. Ouais. Et qu'il a vraiment commencé à s'éclater au moment où le soleil se couchait. Ouais, c'est ça. Raconte-nous un peu l'anecdote. Bah, il a dit que, enfin, en anglais, parce qu'on m'a redit derrière. Bah, redis-le en anglais. En gros, bah, une fois que le soleil s'est couché, il pouvait vraiment commencer à jouer, quoi. Ouais, il avait l'air d'avoir été gêné par le soleil. Donc évidemment, il a fait des gros succès comme Killing Arab. J'aime bien celle-là. Ouais. Il a commencé par Plain Song, et puis bah, les chansons les plus connues comme les moins connues, quoi. Enfin, ouais. Alors par contre, je sais pas si vous avez vu hein, les photos, il a quand même pris un sacré coup, Robert Smith. Quel âge il a maintenant? 67, je pense. Hein, ah ouais, c'est ça. Ouais. Il a bien grossi. 15-16 ans. Ouais, c'est ça, il avait déjà 35 ans. Facile. On dirait quoi? Un gros chat, il me fait penser à un gros chat. Il a balancé des croquettes sur scène. Non, Robert, est-ce qu'entre deux chansons, il crachait des boules de poils? I'm a scatman. Mais il a chanté Love Cats, hein, c'est peut-être ça du coup que ça va. Ouais. Alors c'est marrant parce que The Cure, j'adore. Je suis incapable de retenir les titres, quoi. Mais c'est ça qui est dingue. Ouais, In Between Days. Ouais. Bah peut-être, mais ça doit être certainement. C'est laquelle? Je sais pas, pour moi, elles se ressemblent toutes. Je sais pas. Celle que M avait reprise en français, là, que j'adore. C'est Close to Me, évidemment. Close to Me, j'adore aussi. Forest aussi. Ouais, peut-être. Mais moi, les titres, je ne les retiens pas. Mais en tout cas, c'est une belle expérience. Et tu en retiens quoi, alors? Ah, bah c'était génial, j'ai envie d'y retourner. Ah, bah ouais. Mais bon, c'était quand tu me dis? C'était le 7 juillet. D'accord, je suis en train de me dire qu'on a un ami animateur qui était sur Londres. Flip 4, oui, absolument. Je me dis, il devait certainement y être pour ça aussi. Qui était devant la maison de Brian Setzer. Absolument, voilà. Ouais. Donc, Odis. Ouais, non, mais c'est vrai en plus. C'est vrai. Donc on le salue au passage, Flip 4. Ouais, ça va, les petits gars. Comme Johnny Hallyday. Ouais. Et on salue Charles aussi au passage. Et Véro. C'est parti. Allez, on continue en musique parce qu'on va se retrouver après, évidemment, avec le rétro-ciné bientôt, puisque c'est à 21h. Eh bah, écoute, pour Flip 4, je vais mettre Les Vagabonds. Non, mais pour RLM, par contre, c'est moins bon. Ah bon, bah c'est vrai, je vais pas le mettre alors de cette là. Donc, non, on va repartir avec Bashung et ensuite on viendra avec Brandy et Monica. Ah bah, vas-y. À l'arrière des berlines, on devine des monarques et leurs figurines. De demi-dieu livré à eux, ils font des petits, ils font des ennuyeux. À l'arrière des dauphines, je suis le roi de Sénéran, à qui sourit la vie. Sur l'eau, éviter les péages, jamais souffrir, juste faire émir les chevaux du plaisir. Osez, ose Joséphine, osez, ose Joséphine, plus rien ne s'oppose à la nuit. Joséphine, osez, osez. ses films. Rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine. There is no dernière sur la fréquence, premier sur les hits, RLM, 107.9 FM. Et oui, donc toujours dans l'émission 120 au compteur, comme tous les mardis soirs, j'espère que vous vous portez bien, nous on se porte très très bien, on se portera d'autant mieux que nous sommes avec Onissa qui va nous parler donc d'un dessin animé qui va forcément vous parler évidemment. Bah, ça dépend si je vous dis le nom d'origine du dessin animé. Ah bah si, tiens, ça s'appelle Noddy. Noddy, mais c'est quelle origine? C'est anglais. Ah ouais, c'était Noddy. Noddy. Et tu l'écris comment? N-O-D-D-Y. Ah bah tiens, c'est marrant. Mais c'est un personnage créé par une romancière britannique d'ailleurs, Annie Blyton, en 49. Mais on a eu le dessin animé. La première série a été faite en 86. Ah ouais, d'accord. Et donc, évidemment, tu nous parles de... Non. De Oui-Oui. De Oui-Oui. Bah ouais, absolument. Alors, raconte-nous un peu Oui-Oui. Bah oui, vous dites-moi quand même, pas comme la dernière fois, hein. Dites-moi quand même que vous connaissez les personnages. Oui. Ah oui. Donc Oui-Oui, c'est un petit personnage, un petit pantin en bois. Il y a toujours un petit bonnet bleu avec son grelot. Ouais, et il n'a qu'un grelot, lui. Lui, il n'en a qu'un, oui. C'est un petit pantin, hein, c'est pour ça. Ouais. Je savais même pas qu'il était en bois, Oui-Oui, blague à part. Si, enfin. Bah non. Bah non, je savais pas, moi je le vois toujours en 3D, parce qu'il ressortit. Ouais, mais non, oui, bien sûr. Non, mais à l'origine, si, puisque... Marie, tu savais qu'il était en bois, Oui-Oui? Non. Il vit au village. Non. Il vit au village des jouets, donc c'est un petit jouet, hein, en fait. Bah, il peut être en plastique, pas, après. Non, c'est déjà un petit village. D'accord. Non. Et comment comment il s'appelle le village du petit Oui-Oui? Oui-Oui Land? Non. Noddyland? Non, presque. Ah, c'est vrai? Non. Miniville. Ah, Miniville. Bah oui, parce que c'est surtout des petits jouets, des petits personnages. Oui-Oui Land, presque. C'était pas loin. Ouais, c'est vrai, c'est pas loin. Ouais. Bah non, mais c'est la façon dont il s'appelle. Non, mais il y avait AI. Donc en fait, Oui-Oui, c'est un chauffeur de taxi. Il transporte tous ses amis dans sa petite voiture. La voiture est importante. Vous vous souvenez quand même du rôle de la petite voiture de Oui-Oui? Pas le rôle. Il transporte tous. Elle parle. Elle est jaune et rouge. Non, elle ne parle pas, mais elle a un caractère et elle prend toujours des initiatives. Et quand elle a quelque chose à dire, elle klaxonne. Ah, d'accord. Ah bon, d'accord. Vous vous souvenez pas? Non. Non, mais je suis pas sûr d'avoir. Je me souviens pas avoir regardé Oui-Oui, moi déjà. Donc, ah, si, moi je l'ai regardé. Enfin, mais bien sûr qu'on connaît. Hein, mon plus jeune était fan de chez fan. J'étais plus dessin animé japonais. Ah, toi, oui. Ouais. Bah, rappelons, tu dis, c'est sorti quand la première fois? En 86. Ah, 86, oui, on était un peu vieux quand même à l'époque. Oui, vous étiez vieux, c'est ça. Je regardais plus Oui-Oui. Non, mais bon, quand même. Alors que moi j'avais 28 ans, c'était l'occasion de regarder. C'est ça. Et alors, est-ce que vous vous souvenez un peu des personnages, des amis? Absolument pas, non. Marine, tu connais un peu les personnages? Ah, il y a un garagiste. Non. Oui. Ouais, forcément, s'il y a une voiture, il y a un garagiste. Oh là là. Bah non, mais j'imagine. Ah bah, moi, les personnages qui m'ont marqué là-dedans. Il y a le policier. Moi, je policier, ouais. Monsieur Culbuto. Ah, mais non. Je me fais défoncer tout le temps par tous ces malfrats. Non, quel gourmand et qui baisait. C'est qui Monsieur Culbuto? C'est un des personnages. Ah ouais, d'accord. C'est animé. Mmh. Quand la voiture passe, il va faire foing. Alors, ça va vous faire plaisir, les garçons. Il y a Mademoiselle Chatounette. Ah, ouais, d'accord. Chatte en peluche qui a très mauvais caractère. Ah, pas comme toutes les femmes, ouais. Non, c'est pas vrai. Après, il y a toujours. Il y a Mirou, l'ourson ami de Oui-Oui. Ça vous dit quelque chose? Enfin, moi, je vois tous les personnages. Non. Bah, je crois que j'ai jamais regardé Oui-Oui en fait. Non. Ah, je me souviens de la voiture de Oui-Oui, Culbuto quand tu le dis, oui, le garagiste, oui. Jumbo, ouais. Garagiste, ouais. Il y avait Jumbo l'éléphant. Aussi, l'éléphant. Ouais. Le garagiste, il s'appelle Monsieur Lapompe. Avec Culbuto, ça va bien. Il y a Mademoiselle Louise Titi aussi. Ah bon? Château Culbuto, Monsieur Lapompe. D'accord. Super dessin animé. Ah ouais, mais moi j'ai adoré. Il y a une double lecture en fait. Ouais, c'est non, ça. Non, mais attends, excuse-moi, mais ça s'appelle quand même Oui-Oui avec Monsieur Culbuto, Monsieur Lapompe. Non, s'il n'y a pas une double lecture derrière tout ça. Vous dessin animé, non. Il y a Monsieur Potiron aussi, c'est un as avant et c'est le meilleur ami de Oui-Oui qui l'aide dans beaucoup de choses pour avancer. Ça me dit quelque chose par contre, Monsieur Potiron. Bah oui, Monsieur Potiron, c'est les personnages principaux, ils sont tous. Qu'est-ce que tu bouffais, c'est pour ça? Et il y a deux méchants dans l'histoire qui font toujours des. Avec un long nez. Non, ça c'est Pinocchio. Harry, il y a pas un méchant avec un long nez? Non, ça c'est dans Il était une fois la vie. Non, mais non, arrête. C'est Sournois et Finot et qui font toujours. Ah ouais, mais je suis sûr qu'il a un long nez. Si, lui, il voit toujours les méchants avec des longs nez. Ouais. Et en fait, le dessin animé, ça met toujours Arrête, sinon je raconte à l'antenne ce que tu fais. Non, s'il te plaît. Bon, alors soyez sage. Et en fait, ça aide, c'est toutes des petites situations qui arrivent chez les enfants. Donc ça leur permet, par leurs histoires, le méchant, le sournois, de grandir dans la vie. Quoi. Moi, je trouve que c'est un super beau dessin animé. Et ils ont créé une deuxième série, d'ailleurs en 3D, depuis 2016. Mais c'était Morel, c'était sympa, oui. Oui, moi je trouve. Et je confirme qu'il a un long nez, puisque Marine, qui est notre chef internet, ouais, qui était, voilà, regarde, le méchant, il a un long nez. Les deux. Donc si t'appelles pas ça un long nez, excuse-moi, mais. C'est pas un nez, ça. C'est pas un nez. T'aurais bien fait de te taire, j'avais dit, hein. Ah, excuse-moi, j'ai pris la photo à l'envers. Non, mais c'était sympa, je trouve que. Alors, est-ce que ça rappelle des souvenirs à donc, Sherlock, visiblement, non. Pas beaucoup. Pas trop, non. Canon. Oui, pas toutes les histoires. Ah oui. Et toi? Oh, tu parles. Non, mais il a pas de micro, donc il risque pas, on peut pas l'entendre. Toi, Marine. Ouais, si, moi, ouais. Ouais, non, ouais, ouais. Donc, tu l'as vu quand même, rassure-moi. Ouais. Ah ouais. Bon, pas comme marche, le petit dauphin. Mais comme disait Sherlock, c'était après en 3D, on le connaît plus. Oui, dans les enfants, t'entends oui, ouais, c'est en absolument. 3D. Mais l'original était vraiment beau, ça, c'est sûr. Ah, moi, j'ai eu carrément le personnage en bois qu'on m'a fait sur mesure, je te promets. Ah oui, le buto. Non. Oui. J'ai vu bien. Eh bien, écoute, merci, Anissa. On fait une coupure musicale parce que ça va être l'heure bientôt du rétro-ciné. Eh oui, effectivement. Alors là, ce sera Matmata avec Lambeandro. Matmata. Ah, ça va faire plaisir à Canon, ça. Oui, et alors c'est un groupe pour leur premier album qui a été produit par Framboisier. Ah, ouais. Cool. Oui, c'est vrai. Et ensuite, on reviendra avec. Je sais pas si vous vous souvenez de Big Mountain, Baby I Love Your Way. Ah oui, bien sûr. Baby, I love you. C'est ça, ouais. From Big Mountain, je me souviens. Yeah. I want to you know what I on va écouter l'original, je crois. Hey! 100 hits RLM 107.9 FM. Ooh, baby, I love your way every day, yeah, yeah. Vous êtes toujours dans l'émission 120 au compteur sur le 107.9 FM RLM. Et là, je vais vous parler d'un film, d'un film de l'année 94 exactement. Et c'était plus précisément le 13 avril 94 qu'il est sorti dans nos contrées. Ça nous aide tout le temps. Mercredi. Ouais. C'est ça. Mais ça nous aide toujours la date, c'est un indice. Eh, on sait jamais, il y en a des fois qui ont la mémoire des chiffres. Ouais, peut-être ouais. que. Ou ouais, tu sais sortie, ce que le... tu faisais le 11 septembre 2001. Ouais, donc peut-être que ouais, ce film t'a tellement marqué que tu savais. Qu'est-ce que je faisais le 15 juillet 2018 Tiens, on en reparlera. Je récupérais peut-être. Oui, peut-être. Du 14. Alors, c'est un film de John Turtletaube. C'est le même réalisateur que il a travaillé avec Tibit, non? Non, pas du tout. Ni avec Antoine Fuqua. Ah non. Et la musique est de Hans Zimmer. Ah, j'adore. Ah, qui a fait Pirates des Caraïbes. Oui, effectivement. Autres. Et Harry Potter. Interstellar. Oui. Harry aussi. Potter, oui, oui, oui, exactement. Mais si, tu me le demandes, oui, dis. Mais moi, j'écoute ces musiques, j'adore Zimmer. Ok, alors le film a fait 2 542 562 entrées au box-office français. Pas mal. Et a reçu un prix du public au Festival du film de l'humour de Champs-Rousse. D'accord. Ok, donc c'est un film français. Pas du tout. D'accord. Voilà, tout le monde connaît Champs-Rousse. Tout, alors, festival tout de le monde connaît Champs-Rousse. Ah ouais, ouais, c'est ça. Ah ouais, voilà. Alors. Ça vous dit rien du tout? Non. Je vais vous non. donner des noms d'acteurs et ça va pas vous parler non plus. Alors c'est Peter Otterbridge, Raoul D. Lewis, Malik Yoba, Dougie Doug, Leon Robinson et pour le plus connu, John Candy. C'est ouais. John Candy en plus connu? Ouais. Non. 94. Ah, ça vous parle pas? Je vais vous passer une petite musique. C'est une musique qu'on entend dans le film, c'est celle-ci. C'est mieux. Sometimes in life there's disappointment. We've got to keep on working for you all have to work hard, man. You know you can achieve whatever you believe. Keep your eyes on. Alors, Moi j'ai peut-être un indice. Vas-y. Est-ce que ça a un rapport avec le basket? Ah, pas du tout. D'accord. Ni le boss leg. Si, par contre oui. Ah d'accord. Ok. Ah bah voilà. Ah bah oui. Bah j'ai oui. reconnu tout de suite. Je me dis ça peut pas être ça, mais c'est 84. Bah oui, oui, oui, oui. Ouais, ouais, effectivement. Alors je vais vous passer un extrait, du oui, film. Écoutez bien. Les quatre éléments clés qui constituent la force d'une équipe sont un excellent pilote et trois excellents coureurs qui poussent l'engin sur la glace. La glace. La glace. Bah oui. C'est un sport d'hiver, si tu veux. D'hiver. Tu veux dire comme dans la glace? Pourquoi pas. Hiver comme dans igloo, esquimaux, épingouin et glace. T'aimes bien? Ouais, salut. Il est complètement déjanté, ce film. Oui, oui, oui. Ouais, c'est tiré d'une histoire vraie. Oui, oui, c'est ça qui est excellent. Bah, oui. Pour une fois que j'ai vu. Ah ouais, Marine a l'air étonnée. Oui, c'est tiré d'une histoire vraie. Ah oui, oui, absolument. Oui, oui, bien sûr. La chanson qu'on a entendue juste avant, c'est tiré en fait de ce petit passage-là. Écoutez. Écoutez le son de la Jamaïque. Sur toute la planète, les gens ne reviennent pas. Ma Jamaïque aussi, le papa, une équipe. Toute la planète demande à quoi ça rime. Quatre Jamaïques, un bobsleigh sur le dessus. On a le front de Riz et le petit Chou. Alors, ah oui, évidemment. Ouais, est-ce que vous vous souvenez de ce qu'ils disaient juste avant de pousser leur bobsleigh? Ouais, pousse. Non. Non. Attends. Ouais. Alors, parce qu'au début ils reprennent l'équipe de Suisse. Non. Qui... Armageddon. Non. Alors l'équipe de Suisse faisait Heinz Weidrei. Ouais. Et eux ils disent ça. Écoutez. Cadenceman, trace la glace, c'est le Bobman. Cool Rasta, ouais. Ah, oui, Balanceman, bah oui. Cadenceman, c'est le Bobman, trace la glace, Cool Rasta. Ah ok, je me souviens pas, mais en tout cas du film, oui, évidemment. Ah si, ouais. Donc c'était pas Armageddon. Alors, on se retrouve tout de suite après la chanson culte du film. Qui est une reprise aussi. Qui est une reprise également. Absolument, de Jimmy Cliff. Oui, effectivement. Donc c'est I Can See Clearly Now. Yeah. On se retrouve tout de suite après, je vais vous donner quelques petites anecdotes. Gone are the dark clouds that had me run. Et oui, donc c'était donc Jimmy Cliff avec I Can See Clearly Now. Et ça a été repris d'ailleurs aussi par Claude François en français. Ouais, alors c'est. Ah oui, c'est vrai, ça faisait quoi alors Il n'y a plus que toi et le soleil. Ah oui, c'était moche. J'ai pas payé. Non, sérieux. Mais non, mais par rapport à cette version. Parce que c'était pas une version reggae, hein, la version originale. Oui, effectivement. Ça. Alors, je vais vous donner un petit peu le pitch du film. Ouais, pourquoi un petit peu? Tu peux tout me donner, hein, pitch. Ouais, bon, d'accord, je vais tout vous donner. Alors, donc, ça se passe en Jamaïque en 1987. Tandis que son copain Sanka Kofi remporte le titre tant convoité de meilleur pilote de pushcart, un sport local qui se dispute dans des caisses à savon lancées à toute allure, Deris Banok s'entraîne intensivement afin d'être sélectionné pour les Jeux Olympiques de Séoul qui doivent se disputer durant l'été 88. Mais au cours des éliminatoires, les deux favoris, Deris et un autre athlète chauve du nom de Yul Brenner, chutent par la faute d'un autre concurrent. Il l'appelle Yul Brenner. Il l'appelle Yul Brenner. Donc il chute par la faute d'un autre concurrent qui s'appelle Junior Beville. Déçu d'avoir ainsi raté sa sélection, Deris décide de relever un nouveau défi et se jure bien de représenter la Jamaïque au JO, quelle que puisse être la discipline, et cette discipline ce sera le bobsleigh. Un truc de fou, ouais. Alors oui, effectivement, donc c'est tiré. Donc le film est tiré d'une histoire vraie, mais certains faits sont quand même romancés. Donc Irvin Blitzer, donc le personnage joué par John Candy, qui est un peu leur coach, est un personnage de fiction. Et comment il s'appelle, tu dis l'acteur? John Candy. J'adore John Candy en fait. Il a joué dans La folle histoire de l'espace. Ouais, entre autres, mais il en a fait d'autres aussi. Ah oui, bien sûr. Il est mort très jeune comme aussi. Hein, il a joué également dans Maman, j'ai raté l'avion. C'est lui qui avait un groupe de polka. C'est ça, qui accompagne la mère. Adoré, ouais. Il me fait penser à Goodman à chaque fois, je sais pas pourquoi. Oui, exact, ouais. John Goodman. Je sais pas pourquoi. Alors, donc le personnage donc de Irvin Blitzer est un personnage de fiction et les vrais entraîneurs n'avaient jamais eu d'affaire de tricherie, comme c'est le cas dans le film. Ah, il triche dans le film. Ouais, il avait eu une affaire de tricherie. Il y a quelques années avant. Les bobeurs n'étaient pas des sprinteurs ayant échoué aux sélections olympiques, c'était en fait des militaires. Enfin, ce n'est pas la vente de la voiture qui a permis aux Jamaïcains de partir pour Calgary, mais la vente de t-shirts, souvenirs à leur effigie. En revanche, on voit apparaître à la fin du film, lors de la descente des Jamaïcains, la vraie vidéo extraite des Jeux Olympiques d'hiver de 88, où l'on voit la chute de l'équipe lorsqu'elle aborde le virage trop vite. L'équipe franchira la ligne d'arrivée à pied. Alors dans le film, on voit qu'il porte le bob. Dans la réalité, c'est pas possible. Le bob fait plus de 170 kilos, je crois. Ouais, sur la glace, c'est impossible. Avec un macaron. Alors le casting original envisagé par Disney pour le film était Denzel Washington, qui devait jouer le rôle de Deris Banok, Eddie Murphy qui devait faire Sanka, Wesley Snipes comme Yul Brenner et Marlon Wayans comme Junior. Alors je sais pas qui c'est Marlon Wayans. Marlon Wayans, c'est un qui jouait dans Scary Movie. Un des deux frères. Ouais, c'est ça. Celui qui faisait du football américain, qui était très gay. D'accord, ok, ça marche. Par contre, tu me dis Denzel Washington, il manquait Eddie Murphy, il y aurait eu Will Smith et tout ça. Un sacré trio. Mais à l'époque, ils étaient peut-être moins connus, donc ils auraient pu démarrer comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont démarré avec. Et John Candy était déjà comme Irvin Blitzer, c'est lui qui est resté du truc d'origine. Denzel Washington a refusé le rôle de Deris Banok et Eddie Murphy a refusé le rôle de Sanka Kofi, rechignant au salaire offert. Finalement, seul John Candy donc a joué dans le film. Cuba Gooding Jr., Jeffrey Wright et Eric LaSalle ont également été évoqués pour incarner l'un des quatre bobeurs jamaïcains. Il faut savoir quand même qu'avec un budget estimé de 15 millions de dollars, le film a rapporté 154 millions de dollars, soit plus de 10 fois le budget de départ. Ouais, ça va bien, c'est beau. Rasta Rocket est donc l'avant-dernier film dans lequel a joué John Candy. Ouais. Il décédera 5 mois après sur le tournage du film Pionnier malgré eux, seulement quelques semaines avant la sortie de Rasta Rocket en France. Une scène du film a été retirée lors des rééditions. En effet, dans celle-ci, on pouvait voir l'un des bobeurs est-allemands en train de trafiquer le bob jamaïcain. Donc, il rajoutait du poids ou il retirait du poids, je ne sais plus ce qui se passait exactement. Pourquoi ils l'ont enlevé, pour des raisons politiques, j'imagine Sûrement, ouais. C'était un petit peu aussi l'époque guerre froide et tout ça. C'était la fin de la guerre froide, Et donc, il faut savoir qu'en Norvège, enfin, aux États-Unis, le film s'appelle Cool Runnings. Et en Norvège, le film se nomme Cold Buttocks, qu'on pourrait traduire par fesses froides. Ouais. Ah, c'est pas mal. Oui. Enfin, quoi qu'en français, non, ça ferait un peu moins. Mais oui, donc c'est tiré d'une histoire vraie. Les Jamaïcains sont vraiment entraînés un peu, vraiment à la manière du film. Comme on voit, ils ont fait des. des vrais trucs. Alors là où il faisait super chaud, ils se sont retrouvés là-bas, ils faisaient des moins 40, c'était une folie. C'était horrible. Bon, on voit le mec, il y en a un qui se caille à un moment. Ouais, c'est ça. Par contre, moi, je trouve que Rasta Rocket, c'est le meilleur titre qui a pu être trouvé. Bah, ouais, l'analogie Rasta Rocket, ça le fait vraiment, quoi. Jamaïca. Le titre québécois, tu l'as pas, non? Non, je pense que c'est le même. Tu crois? Rasta Rocket. Parce que souvent, ils sont là. Oui, c'est vrai qu'ils ont toujours des noms. Absolument. Bah, tout le monde l'a vu, évidemment. Oui, pour une fois que j'ai vu un film, et Alléluia. Et d'ailleurs, personne n'a donné le titre. Puisque, Ah, pardon, Rasta Rocket. Non, mais c'est vrai, comme c'est tellement connu, Marine, tu l'as vu, évidemment. Oui, mais je me souviens plus trop. J'avais un nom à ce moment-là. Je veux dire, moi, j'invite tous les jeunes, parfois, j'invite tous les jeunes à regarder ça parce que ça vieillit un peu, mais c'est rigolo. C'est vraiment les films où on pouvait rire. Il y a vraiment de l'humour. Oui, voilà, c'est ça. C'est chouette. Absolument. Voilà. Eh bien, écoute, merci, Sherlock. On fait une petite coupure musicale et puis juste après, on se retrouve avec toute l'équipe. On a encore des choses à dire. Tiens, j'ai une rumeur, tiens. Justement, je vais vous parler d'une rumeur et puis on aura un petit coup de gueule aussi, tiens. Oui, tiens, on va gueuler. Ok, c'est parti. Rouler les yeux fermés et ne plus rien penser. Du ciel en enfer, on se laissera glisser, rouler vers les vallées, c'est beau la liberté, puisqu'on peut rien en faire. Allez, vas-y, accélère, c'est un jour. Thank you. RLM 107.9 FM. Avec Listen to Your Heart, c'est une reprise de Roxette. Qu'est-ce qui se passe? Alors toi, tu parles avec le même nombre de beats que la musique. Listen to your heart. Listen to your heart, ding ding ding. DHT sur RLM. On s'est tous endormis là tout d'un coup. Je sais pas, vous n'avez pas cette impression là quand même. DHT avec Listen to Your Heart, c'est une reprise du groupe Roxette. C'est vrai. Ouais, absolument. Et donc c'est un groupe belge. Oui, c'est un groupe belge DHT, ouais, effectivement. DHT, c'est pas très vendeur comme nom. Enfin. Non, ça fait un peu produit chimique. Ouais, ouais, non, c'est vrai pour un nom belge. Ah oui, belge, je suis d'accord. DHT, ouais. Enfin, ouais. C'est le HT, ouais, le HT. Il est... Ouais, c'est HT, ça. HT, hashtag, HT, hors taxe. Bah ouais, absolument. Et trop de trucs. Bah en parlant de DHT, de d'acronisme, je vais en parler d'un autre. Oui. Steph H. Il est avec oui. nous. Ah oui, il nous fait le plaisir de nous faire un petit coucou. Notre mixeur à nous, enfin mixeur. C'est bien présenté. Après, oui, Moulinet, après Seb et Moulinet, Stéphane, notre meilleur mixeur. Notre mixeur plongeant. Alors, qui vient nous rejoindre. Fabriqué en Chine. Voilà, pour nous donner une info qui nous fait bien plaisir, dis donc. Et puis, bah, alors déjà, ça fait plaisir de voir l'équipe de 120 au compteur, bah, quasiment au complet. Et je bah pense oui, ouais, mais pas quasiment, on est complet. Pas quasiment. Parce que t'es là. Exactement. Alors c'est vrai que je suis venu un peu rapidement hein, pour vous rejoindre pour cette dernière partie d'émission et puis pour vous parler d'un nouveau bar pub ambiance club qui ouvre sur Moucron, le New People, 10 place de la Gare à Moucron. Cool. Avec une ouverture donc du jeudi au dimanche et surtout des DJ le vendredi et le samedi soir. Et vous allez pouvoir me retrouver samedi soir derrière les platines du New People. Donc je vous attends nombreux, chers amis auditeurs. Ah ouais, alors, c'est clair, ouais, ça c'est bien. Alors dis-nous, c'est un bar lunch, c'est une boîte, c'est... Alors on est plutôt dans un bar boîte, hein, on peut dire que c'est une ambiance club. Et vous allez retrouver une programmation... Type RLM, c'est-à-dire 80 aujourd'hui. Ah oh, cool. Super cool. Bien. Je vois qu'il y a des soirées à thème, karaoké. Avec un bel éclairage, on peut le dire aussi. Ah, c'est bien. Des néons. Ouais, une belle installation. Blanc. Du son, de la lumière. De alors, la lumière noire. Effectivement, il y aura aussi des soirées karaoké. Alors, l'ouverture ici, première soirée, se fera vendredi avec Riyad au platine. Alors, Riyad, qu'on connaît d'ailleurs. Qu'on connaît, oui. Un ancien collègue, bon, on dit ça, tu connais pas forcément. Non, mais, je connais pas du tout. Ancien collègue de radio pour nous. Vieux collègue de radio, évidemment, qu'on adore et qui mixe. Et d'ailleurs, qui était très bon ami et qui est toujours très bon ami d'Abdel aussi, également, qui était aussi DJ. Et alors, franchement, il mixe. Ah, et qui tient le salon des orchidées à Waterloo. Absolument, absolument. Et ah, Riyad, cool. Qui mixe superbement bien le funk, déjà. Et très funk, Riyad. Et R&B aussi, pas mal. Donc voilà. Et donc, toi, samedi. Samedi. Yeah. Ouais, mais ça tombe bien en plus, c'est la fête de la musique. C'est la fête de la musique. Ça y est, on l'a reperdu. J'en ai marre, ce mec. Faut le repêcher toutes les 10 minutes. J'avais dit 14 juillet. Non, Harry, on est le 27 février. Ah oui, j'avais dit que le Space Cake, au bout d'un moment, ça allait pas passer. Eh ben écoute, on sera au rendez-vous, on va venir te voir et tu mixes à partir de quelle heure? À partir de 22h, je pense. Ah, bien. Ah, moi je suis pas sûr. Ouverture à partir de 18h. Bah oui, forcément. C'est pas Balmusette. Eh, de 20h à 22h, il est ici pour le mix H. Donc, ah ouais, exactement. Donc, ah, oui. Ah, c'est vrai, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il coupe ici à 22h, il est là-bas à 22h. Alors, ouais. Rappelle-nous le New People, ça se trouve où exactement? C'est 10 place de la gare. Donc, à Moucron. En face de la gare. Ah oui, c'est à 5 minutes d'ici. Ouais. Eh ben écoute, ça marche, bah, c'est noté, eh ben, ouais, on aura cool. le plaisir d'aller inaugurer donc, le New People donc, en face de la gare, et en sachant qu'il va y avoir donc Stéphane qui sera au platine donc samedi et Riyad donc le résident le vendredi soir donc et ça ouvre à partir de 18h. Absolument. Je reprends ce que tu me dis à 10 minutes d'ici, mais c'est vrai qu'on se situe jamais, ben en fait on est au stade de Moucron parce que des gens nous demandent parfois où est RLM, le gardien le goal. Ouais. On est juste en dessous, juste en dessous, voilà. Sur les bancs de touche. La semaine passée on était très bien situé. Voilà. D'ailleurs on en touchera un petit mot tiens justement des matchs qui se sont déroulés il y a quelques jours. Oui, ça serait bien. Mais on va faire juste après une coupure musicale, effectivement. Je pars en voyage, temps, le cœur éléphant. On prendra notre temps pour découvrir la vie, aimer les gens énormément. Fréquence, premier sur les hits, RLM, 107.9 FM. musique que vous aimez, c'est sur RLM. Et c'est toujours aussi bon, évidemment, avec toute l'équipe donc de 120 au compteur. J'espère alors, que vous passez un bon moment avec nous. Alors, ils sont tous morts, on ne sait pas pourquoi, mais. Si, c'est parce que. Alors, Marine, qu'est-ce qui lui arrive? Ah, c'est Marine, encore une fois. Sherlock dit je mets les micros, et Marine fait elle m'énerve, cette mouche. Donc, on ne sait pas de qui elle parlait, en fait. Ouais, alors, ouais, c'est vrai que Marine est embêtée par une mouche depuis tout à l'heure, ouais. Ce qu'on appelle une mouche à brin. Ça doit être ça, ouais. C'est les inconnus hein, qui avaient fait un sketch là-dessus. En parlant de brin. Justement, Sherlock. Ah bah oui, effectivement. Oui, je vais vous parler des sorties ciné donc pour demain, pour la Belgique et pour la France, avec avec le film Mamma Mia, Here We Go Again. C'est donc le Mamma Mia 2, avec Meryl Streep, Pierce Brosnan et Cher. Donc Cher qui normalement devait jouer dans le premier et pour cause de tournée en fait n'a pas pu participer au film. Donc c'est un film de Hall Parker, ça sort en France le 25 juillet. Alors moi je dis que c'est Mamma Mia 2. Oui c'est ça. Ah, c'est ça. Ah oui, c'est non, c'est pas le rétrociné. Bah si c'est ce qu'il ah, ah, mais il est mais c'est pas possible. Donc ça se passe sur l'île paradisiaque de Kalokairi. Sophie, qui a du mal à gérer sa grossesse, va trouver le réconfort auprès des amis de sa mère, Donna, qui vont lui conseiller de prendre exemple sur le parcours de cette dernière. Donc là, on va voir en fait la jeunesse de Meryl Streep, comment elle est arrivée sur l'île, un petit peu tout ça. Et qui va remplacer les chroniques astrologie si Sophie est enceinte? Ah bah écoute, je sais pas, maintenant bah on peut continuer. Hein. Ah oui, c'est vrai que Marine est fan, est fan de Sophie, tous les matins elle l'écoute. Alors, il y a également Hôtel Transylvanie 3, des vacances monstrueuses. C'est un film d'animation de Jendy Tartakovsky. Ça sort en France également le 25 juillet. Joueur croate. Donc, non, c'est Tartakovic. Alors donc, notre famille de monstres préféré s'embarque pour une croisière de rêve afin que Drac puisse enfin souffler un peu et savourer des vacances au lieu de s'occuper de tout le monde à l'hôtel. Tout s'annonce à merveille pour la petite famille, entre matchs de volley monstres, excursions exotiques et séances de bronzette au clair de lune. Mais les vacances idéales virent vite au cauchemar lorsque Mavis se rend compte que Drac est tombé sous le charme de la mystérieuse Erika, la capitaine humaine du navire dont le terrible secret peut détruire tous les monstres. Et Dracula. En fait, elle s'appelle Erika Van Helsing. Vampire. Oui, bah oui. Enfin, tueuse de vampire. Bah oui, Drac, tueuse, c'est pour ça que Dracula. C'est même pas saisi. Alors, ensuite, on passe au. J'ai pas capté du tout. Là. Je suis dégoûté d'être le seul cultivé aussi. Dracula. Dracula, parce que c'est celle qui, voilà, c'est celle qui joue dans. C'est la capitaine du navire. Ouais. C'est Capitaine Stubbing, mais. Alors, donc, en France sort donc le film Marum avec Audrey Lamy. Avec Audrey Lamy, Charlie Langendry et Florent Père. C'est un film de Frédéric Kiering. Ça sort en Belgique le 25 juillet. Donc, tout va pour le mieux dans la vie sans histoire de Fanny, jusqu'au jour où elle découvre que son fils chéri Arthur, 9 ans, est le bouc émissaire de trois garçons de son école. Ils sont deux. Il est le bouc et misère. C'est le bouc et mystère. C'est le bouc et finage. Il est le bouc émissaire de trois garçons de son école. Fanny ne laissera pas seul son fils face à des petits bourreaux. Elle va rendre à ses sales gosses la monnaie de leurs pièces. Coup fourré et piège de cours de récré, désormais ce sera œil pour œil et dent pour dent. J'adore quand tu te mets en colère. Non, ça c'est ma rhum. C'est ma rhum, effectivement. Et ensuite, enfin, je dirais enfin, il y en a encore. Donc sort en Belgique et en France le film Ant-Man et la guêpe. Oh là là. C'est un Marvel avec Paul Rudd, Evangeline Lilly et Michelle Pfeiffer. C'est un film de Peyton Reed. Eh oui. Donc après les événements survenus dans Captain America Civil War, Scott Lang a bien du mal à concilier sa vie de super-héros et ses responsabilités de père. Mais ses réflexions sur les conséquences de ses choix tournent court lorsque Hop Van Dyne et le docteur Hank Pym lui confient une nouvelle mission urgente. Scott va devoir renfiler son costume et apprendre à se battre aux côtés de la guêpe, donc qui est jouée par Evangeline Lilly, afin de faire la lumière sur des secrets enfouis de longue date. C'est bizarre dans les acteurs, tu dis, c'est qu'on ne parle plus de ce grand monsieur qui est Douglas aussi qui joue. Ouais. Michael Douglas, oui. Michael Douglas, pardon. Michael. Même s'il joue encore, il fait un super-héros. Mais il est encore vivant. D'ailleurs, on salue Charles au passage. Effectivement. T'approches, je te donne un coup de canne. Alors, tour de table rapide, Onissa, tu irais voir quoi? Non, rien. Bah, d'accord, bon, c'est clair, c'est net. Canon. Mamma Mia 2, j'avais adoré le premier. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'avais vu à l'envers en me disant ça va être nul, et j'avais trouvé ça génial. Ouais, mais ça veut dire qu'ils vont reprendre encore des titres de ABBA. Oui, ça va être certainement chiant. Non, j'ai adoré, moi. J'ai... D'autres titres de ABBA ou ça Sûrement, ouais. Je sais pas, j'ai pas tout vu le film non plus. J'ai vu la bande-annonce. L'anecdote pour dire, je suis tombé sur le film il y a un an et ça commence à chanter au bout d'une minute et demie. Tu vois, 17 secondes, montre en main, tu dis, mon Dieu, c'est quoi. Et en fait, j'ai adoré. Si tu enlèves ABBA, après le reste. Mais c'est tellement l'histoire. Bon, il joue très très bien parce que il chante. Il chante, hein, c'est pas des reprises. Hein. Il chante. Hein. C'est vraiment les acteurs qui chantent. Étonnant. Hôtel Transylvania. 3. Ouais. Ah ouais, moi tu sais que c'est un dessin animé. Hein. Ouais. Ok, Stéphane, je t'irai voir quoi? Eh bien, à choisir également Hôtel Transylvania. On se demande pourquoi. Tiens, comme par hasard, dans un home site aussi, non? Climatisé. Et toi, Harry? Eh ben, écoute, allez, j'irai voir Marum. Mais à la fête des mères. Moi, comme vous le demandez pas, je vais aller voir Ant-Man. On allait te le demander, ouais. Ouais, j'irai voir Ant-Man. Non, c'est parce qu'on savait ce que t'allais voir. Je suis fan de l'univers Marvel. Des cas Marvel, forcément. Ouais, évidemment. Bah, pourquoi pas. Et on fait une coupure musicale et puis on se retrouve juste après. Avec Guillaume Grand, avec toi et moi, et on reviendra alors avec la nouvelle chanson de Rick Astley. Ah, tiens, oui. Ça s'appelle Keep Singing. Et alors, il y a toujours la même voix? Ah bah tu écouteras ça, tu me diras ça en revenant. Il chantait bien le garçon. Hein. Ah ouais, mais il chante pendant ce temps-là, on va laisser Marine chasser les mouches. Allez, ça marche. Ouais, il nous fait une nouvelle courée. Je voudrais partir jusqu'à la mer, allongé sur le sable, prendre un peu l'air, sentir les ombres, rester encore, rester jusqu'à m'en saler le corps. On serait juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règles dignes et sans foi. Tu veux, on y va. Toutes les couleurs du ciel, à plein de bouteilles, du rhum, du vin, du miel. Quand tu veux, on y va. Caché par les dunes, entre terre et mer, voler un peu de paix, des refrains. Bien sûr tu serais là, moi blotti contre toi, je te raconterai ce rêve. Quand tu veux on y va, on serait juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règle, digne et sans foi. Tu peux tricher, là-bas on peut salir, là-bas on peut être juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règles, dignes et sans foi. Quand tu veux, on y va. Et moi, près d'ici. 107.9 FM. RLM. When I was a boy, I saw my daddy crying at the steering wheel, and oh, it made me feel so scared. Then there was joy from my religion, swimming in a choir of voices, and oh, I knew that I'd been spared. That I'd be saved some sunny day, safe from throwing my life away. That I'd be saved some sunny day from throwing my life away. Keep singing, whoa, keep singing, praise it to the heavens with my voice swinging. Keep singing, whoa, keep singing, clap to the beat till my hands stinging. And I'll be saved some sunny day from throwing my Rick Astley avec Keep Singing sur RLM dans l'émission 120 au compteur. Donc, nouveau titre. Ouais, mais oui, moi j'aime bien. C'est bah, ça mal. Date de 2016. Ouais, ouais bah, pas mal, mais par contre, il a perdu un peu de sa voix un peu black. Quoi, ouais, c'est ça. Il chante toujours aussi bien, hein, mais. C'est celui qui chantait tananananana. Ouais. Bah oui, ouais, enfin, voix black, ouais, il avait même une voix. Enfin, ouais, je vois ce que tu ouais, veux ouais, dire. Ouais, il y avait une voix plus aiguë, mais John. Mais c'est ça. C'est François Mitterrand avant qu'il perde ses dents. Et d'ailleurs, on salue Charles au passage. Bon, et, allez, on en parle quand même parce qu'on en parlait hors antenne avec Canon, mais c'est pas un coup de gueule, hein, mais c'est voir un peu ce qui se passe avec le football. Bon, il y a eu la Coupe du Monde. Ouais, relativiser les choses. Ouais, on va relativiser un peu les choses parce qu'effectivement, on a l'impression qu'effectivement, il y a eu des émeutes un peu partout en France. Et bah oui, il y en a eu, effectivement, il y a eu des échauffourées un peu partout. Des échauffourées, ouais, ouais. Voilà, et puis il y a toujours des connards partout, malheureusement, c'est comme ça. Et puis je vois des messages de temps en temps nous disant tiens, bah ouais, nous, les Belges, ça se passe beaucoup mieux. Ouais. Bah, pas forcément. Hein. Voilà, donc il faut pas oublier que effectivement bah maintenant on a les réseaux sociaux et que bah ça passe dans tout dans tous les réseaux, tout le monde le voit. Moi je me rappelle quand même que la semaine dernière il y a eu aussi quelques petits soucis sur Moucron. Ouais, pour la demi-finale voilà, France-Belgique. Ouais. Bon, restons fair play quoi, je veux dire quand même. Bon moi j'étais pour la France évidemment parce que je suis français, mais j'étais aussi pour la Belgique parce que j'aime la Belgique, j'aime les Belges. Moi aussi, je suis partagé. Ils ont bien joué et honnêtement je pense que c'était important d'en parler, Canon en parlait. Ouais, je disais non, on peut perdre. Moi, j'ai toujours trouvé que la Belgique a vraiment bien joué parce que on dit voilà, mais c'est surtout depuis 6 ans, elle grandit et puis dans 4 ans, elle risque de faire très très mal et bien tout sûr. Ça. Mais je veux dire, bon, ce qui est dommage, c'est évidemment qu'on est un peu déçu et tout ça. Puis on se dit ouais, mais vous avez triché vos années. Ça fait partie du jeu, mais commencer à avoir des gens qui arrivent sur des autres qui les ont pas agressés pour casser du français ou tout ça, ou vice versa. Après, attention, c'est pas moi, je suis belge à 90% ou voilà, dans ma tête et mon cœur, et c'est vrai, mais je me dis c'est dommage. Ouais, c'est vrai. Ne cherchez pas les défenses en français. C'est ça, je veux pas savoir. Donc, non, mais. Tu veux avec eux d'un truc sérieux. Non, mais on dit ça, il n'y a pas moyen. Non, petit mot. Il y a 90% qui est rouge et il y a 10% qui est rose. Non, ce que je voulais dire, moi, simplement, c'est quand on joue à la Coupe du Monde, j'adore ce qui se passe même en France actuellement. Ouais. J'ai vécu aussi 98 à l'âge de 30 ans, parce que, bah oui, je vais en avoir 51. Et je me souviens, c'était l'engouement et tout ça. Et un mois après, c'était terminé. Donc, quand je vois tout le monde s'aimer et se dire que quand on est en train de faire la fiesta, on peut vraiment tous s'entendre sans commencer, quelle que soit la couleur, les machins, pas ça, mais bien sûr. On peut tous s'entendre faire la fête, parfois se prendre un peu la tête, se bousculer deux minutes et ça s'arrête là. Le problème, c'est que je me dis, dans un mois, quand ça va repartir avec des gens qui se fracassent la tête pour des conneries, c'est dommage. J'espère que ça va vraiment durer, mais j'y crois que moyennement. Ouais, absolument, voilà. Absolument. Mais c'était beau quand même. Mais c'était beau. Ouais, franchement, c'était beau. Surtout la présidente croate. Oui, c'est vrai qu'on peut en parler quand même. Parlons-en, c'est une belle femme. Je sais pas si vous l'avez vue, mais en plus, elle avait l'air chaleureuse, quoi. Très vraiment. Simple. Ah ouais, et, vraiment humble. À prendre le t-shirt supporter. Attention, c'est vrai. Elle a quand même pris. Elle a payé ses billets pour aller. Bon, après, ça, c'est la légende. Hein. Oui. Bien sûr. Oui. Et puis, elle a mangé à la cantine avec tout le monde. Je suis certain que si les journalistes vérifient, ça sera vrai. Mais après, il faut voir comment elle se récupère. Ça, c'est ce qui se dit, c'est qu'elle a pris ses billets en classe éco. Oui, bien sûr. Elle était à côté de Macron aussi en même temps. Donc, et ça, son ticket de foot, elle l'a payé peut-être pour s'asseoir à côté de Macron. Non. Par contre, elle s'est pas fait payer les jours où elle regardait les matchs. Voilà. Ouais. D'accord. Ah oui, mais ça c'est possible. Oui, mais ça c'est beau, mais je pense que. Et d'ailleurs, les Croates, les joueurs n'ont pas été payés non plus. Non, mais eux, ils ont perdu. Eux, ils ont fait une très belle finale également, franchement. Oui, moi, ils se sont bien défendus. Oui, ouais. Oui. Je peux pas analyser, je sais pas trop, mais j'ai vu la première mi-temps. J'ai trouvé que les Français étaient pas terribles, honnêtement. Et d'ailleurs, c'est les Croates qui menaient en première mi-temps. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Après, comme les autres disent, moi je suis pas fouteux non plus, mais au niveau technique, c'est que l'autre peut très bien dire allez-y, mais ils ont une super défense. En attendant, bah voilà, il y a un but qui est rentré et tout ça, mais enfin, la on a gagné et puis soi-disant on a triché. De toute façon, tous ceux qui gagnent trichent toujours. Voilà, et puis bon, autant, il y a peut-être le pénalty, pour moi il est incontestable. Maintenant c'était l'arbitrage vidéo, sinon on l'aurait pas sifflé. Oui, ils ont raison, donc on aurait fait 3-2. Et si Hugo Lloris savait pas, on aurait fait 2-2. Si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle. Voilà, c'est ça. Comme on dit souvent. Bon, il nous reste que quelques minutes. Le temps peut-être de s'écouter une petite coupure musicale. Oui, avec Boulevard Désert. Et je me dis que toi aussi. Bah, toi aussi quoi? Que toi aussi, tu peux écouter Boulevard des Arts. Ça marche. Allez, on revient vraiment pour se dire au revoir quelques secondes. Et qu'importe le temps, et qu'importe le vent, et j'avance en titubant. Oui, j'avance en titubant. Comment te dire ce que je ressens? Comment faire pour faire autrement que ça? Et qu'importe la pluie, et j'avance dans la nuit. Oui, j'avance dans la nuit. Comment ne plus jamais t'aimer ainsi? Comment faire pour que je t'oublie? Dis-le-moi. sous le ciel immense et sous mes draps. Sur les bords de mer, je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Sous le ciel immense et sous mes draps. Sur les bords de mer, je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Palala, palala. Palala, palala. Palala, palala. Je me dis que toi aussi. Palala, palala. Palala, palala. Palala, palala. Me dis que toi aussi. C'est un rêve, réveille-moi. C'est un fait, je n'y crois pas. Et c'est bien fait pour moi. Oui, c'est bien fait pour moi. Qu'en en fait-on pour s'éloigner de soi? Qu'en en sort-on de ses propres pas? Dites-moi. Quand soudain, sous le vent, sous le bruit de la pluie, sous la nuit titubant, titubant, sous je fuis. Je suis parti pour mauvaise raison. Je suis parti loin de la maison. Et depuis, sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer, je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris. Eh oui, on pleure, on pleure, on pleure. Bah oui, parce qu'en fait l'émission va se terminer. Il est 22h là, d'ici une fraction de minutes et de secondes, donc le temps de se dire au revoir, de remercier Marine. D'abord, on la remerciera après. Ouais. Marine est là. Ça va Marine, tu vas bien? Oui, elle est absente. Le dernier mot de la fin. Bisous. Bah, c'est pas mal. C'était pas H qu'on retrouve, donc je rappelle. Alors, samedi soir. Samedi, sur cette même antenne, 20h-22h pour Mix H. Et à partir de 22h au New People 10, place de la gare, à Mouscron. C'est noté, merci de ton passage. Onissa, merci. Oui, merci à vous. Oui, merci. Canon, merci à toi. Bah écoute, merci à tout le monde, le 21, moi j'y serai. Eh bah oui, absolument, voilà. Donc le 21 on y sera. Donc c'est le New People. Voilà, New People, donc voilà. On ira faire un petit saut. Et puis bah merci aussi à Sherlock de nous avoir donné envie, ou pas, d'aller au cinéma. Mais merci à vous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à balancer vos coms évidemment sur notre page Facebook 120 au compteur. Donc bien sûr, et on sera un plaisir de vous y répondre. À la semaine prochaine, restez bien sûr sur l'antenne de RLM. Ciao à tous. Allez, ciao. Ciao.